pas assis, écoute la musique, c'est le beat pas chuck the rock. Retire ta jambe de bois, oui bien, lance avec moi, c'est le beat pas chuck the rock. Tu m'as la mal à l'aise, l'oublie entre ta chaise, c'est le beat pas chuck the rock. La musique coule à flot, tu peux t'en servir un verre illico. Mets ta tête en vacances, ne quitte pas la fréquence. Salut ambiance, vas-y, suis la cadence. 1, 2, 3, allez, tap, tap, tap, tap, allez, tap, tap, tap, les mains. Vas-y, tap, tap, tap, tap, tu te tapes, tu surlends le main. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. En génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, il est 13h33, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Voici donc le vendredi, et voici le retour de l'émission Souvenir. Et juste un instant, on a pu écouter tout simplement et bien un morceau d'un medley du groupe, tout simplement avec Bébert, avec qu'on connaît très bien depuis longtemps, avec Les Forbans. Dans le cours de l'émission, un petit clin d'œil pour son décès, tout simplement, avec depuis mardi. Voilà, j'ai eu l'information de cela, que Bébert, le groupe, le chanteur, Les Forbans, il nous a quittés le mardi. Donc, ben, pendant l'émission d'aujourd'hui, un petit clin d'œil pendant l'émission, quelques chansons de lui pour faire un petit souvenir, ben, pour tous ceux qui aiment ses chansons. Et voilà, donc on va réécouter d'autres chansons et puis je vous laisse avec deux titres du groupe Les Formants avec Je chante et puis juste après Tape sur les mains. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Aussi un petit bonjour à Chris Adam, c'est aussi que je sais très bien qu'il, bah, qu'il aime aussi les Formants. La route qui mène chez moi. Surtout n'oubliez pas, non, n'oubliez pas, ouais. Chante, chante, danse, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas. Vas-y, ramène-toi, oui, tout le monde chez moi. Nous ferons ce soir tout ce qui nous plaît. Peut-être boirons-nous autre chose que du lait. Marions-nous ce soir, oui, jusqu'au lendemain. Venez pour qu'on se marre jusqu'au petit matin, ouais. Chante, chante, danse, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. je sais où tu habites. Je te promets, je reviendrai bien vite. Ne sois pas désolé, on a bien rigolé. Et monsieur Watt continue à parler. 1, 2, 3, stop. Allez, tape, tape, tape, tape. Allez, tape, tape, tape tes mains. Vas-y, tape, tape, tape, tape. Tu te tapes du surlendemain. Allez, tape tes mains, allez, claque tes doigts. Allez, bouge, bouge, bouge debout. Il n'y a que toi, tu te sens si bien. Oublie tous tes rendez-vous. T'as beau dire, beau faire, t'as beau faire, beau dire, tu sais que le rock est fort. Allez, tape tes mains, allez, claque tes doigts. Tu ne le regretteras pas. Voilà, donc on continue avec d'autres chansons différentes et on va faire une émission avec aujourd'hui les chansons inédites qu'on entend rarement, qu'on ne les a pas entendues. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec Tino Rossi, son titre chanson au nuage. Chante ma peine aux horizons même que celle que j'aime a quitté. Pour vous les oiseaux dans le cœur du grand chêne, écoutez. Et vous les échos qui dansez sur la plaine, écoutez. Ainsi chantait sur la grande route un pauvre garçon sans sa belle, mais rien autour de lui n'écoute que les nuages dans le ciel. Il marche suivi de son rêve, nu-tête malgré les saisons, et voici à nouveau s'élève cette chanson. Nuage là-haut dans le vent qui vous mène, écoutez. Rivières et ruisseaux qui couraient dans la plaine, écoutez. Je chante ma peine aux horizons même que celle que j'aime m'a quittée. Pour vous les oiseaux dans le cœur du grand chêne, écoutez. Et vous les échos qui dansez sur la plaine, écoutez. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et voici, il s'appelle Charles Trenet. Allez. Paris, le printemps de Paris, quand il fredonne sa chance, quand un ciel pur lui redonne sa bonne figure, quand dans l'azur flottent des valeurs, des vacances, on est séduit par le cœur et l'esprit, par la beauté de toute chose. Il y a des roses qui fleurissent aux Tuileries et des amants dans l'île Saint-Louis. Partout se posent des regards éblouis, qu'il est joli le printemps de Paris. Parfois on entend une petite polka, elle revient du temps de grand-papa, de ce joli temps de 1900, que bien des gens regrettent à présent. Mais elles sont pareilles, toutes les jeunesses, un rayon de soleil fait qu'elles renaissent, et Paris se permet, quand vient le mois de mai, d'être plus jeune que jamais. Ouais, qu'il est joli le printemps de Paris, quand une femme qui passe dans le clair matin change soudain votre destin, change vos souvenirs en souvenirs que rien n'efface. Un petit baiser. Et voici l'hymne Renault, son titre, ce refrain d'autrefois. J'ai retrouvé dans un grenier, parmi quelques objets fanés, ce refrain d'autrefois. Il gisait là sur le plancher, près d'un bouquet de fleurs séchées, ce refrain d'autrefois. En bas de ce papier jauni, un inconnu m'avait écrit « À toi, à toi pour la vie !» Et la mélodie en était si jolie, les mots là dans ma tête, toutes ces notes désuètes chantent en moi ce refrain d'autrefois. Sur mon piano je l'ai posé, un musicien me l'a joué, ce refrain d'autrefois. Les yeux fermés j'imaginais des violons et des chœurs chanter ce refrain d'autrefois. Prenez le temps de se dire je t'aime simplement en chantant ce refrain d'autrefois. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et puis aussi donc, Régine, le titre, tu oublieras. Après tout cet amour, sans le plus petit regret, avant longtemps, je le sais, tu m'oublieras. Et rien va tant, ne perds plus de temps, à côté de mon chagrin, tu oublieras. Demain, tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous. Ces réveils au matin, les bras autour de mon cou, et l'amour que l'on faisait n'importe où, tu oublieras. Ces mots que l'on jure de ne jamais oublier, tu oublieras, tu m'oublieras, tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir, ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement passer la porte et partir. Tu m'oublieras malgré toi tout à l'heure en la serrant sur ton cœur, fou de rêve et d'amour, tu oublieras que j'en meurs, tu oublieras, tu m'oublieras. Au téléphone, le premier rendez-vous qu'un soir enfin je te donne, et cette nuit qui a changé toute ma vie, tu oublieras si cette fête en avril, en septembre ou en juillet, il faisait du soleil, ou bien si la pluie tombait, tu oublieras, tu oublieras, tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes, le bonheur délirant qui faisait brûler tes veines et tes cris vers le ciel. Sur un écran noir, car l'amour, mon amour, l'amour n'a pas de mémoire. Avec Charles Aznavour, son titre Chérie, laisse-toi aimer. Laisse, chérie, laisse-toi aimer. Laisse-moi pour te garder en du stratège, te prendre au piège, et puis, que sais-je, te faire entrer dans ma folie. que ta vie soit ma patrie, ma destinée. Laisse, laisse, laisse, chérie, laisse-toi aimer. Laisse, laisse, laisse, laisse-moi pour t'enivrer. Tisser et tendre, un filet tendre pour te surprendre, t'emprisonner. Que mes doigts glissent et te saisissent, que tu ne puisses plus m'échapper. Laisse-toi, laisse-toi mourir à la pointe d'un désir aux racines profondes. Laisse ton âme entrer dans la ronde de l'espoir merveilleux qui fait rêver les yeux. Laisse-toi, laisse-toi tenter, tu n'as rien à espérer de plus fort en ce monde. L'amour est le plus beau feu qui gronde et le bonheur la seule unité. Laisse, laisse, laisse, chérie, laisse-toi aimer. Oh, laisse, laisse, laisse, laisse ma vie se griser. De la promesse que l'amour naisse et puis progresse jusqu'à gagner. Par la nature de ses murmures, les ombres pures de ta pensée. Laisse, laisse, laisse, chérie, laisse-toi aimer. Oui, oui, laisse, laisse, laisse, laisse mes bras t'emporter. À ma manière, loin de la terre, dans le mystère de mes idées, dans cette houle où l'amour roule, que l'on se saoule d'éternité. Il s'appelle Jean Ferrat avec son titre Une Canamendi pour les stars. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Eh bien, elle s'appelle Sylvie Burton. Il y a deux filles en moi. Annie Cordy, son titre de toutes les couleurs. Des grises. Ce soir, d'autres couleurs nous sont permises. Sur un petit bout de rêve, on va faire un beau voyage. Tous ensemble, on va jouer à saute-mouton sur les nuages. Regardez votre voisine, comme elle a de jolis yeux. Monsieur, quelle chance vous avez, monsieur. Nous serons dans trois minutes, bien au-dessus du brouillard. Vous ne verrez que du bleu, pourtant j'aimerais vous en faire. Sur mon étoile. chacun la sienne et c'est parti, nous décollons. Vos amis sont sous le siège, autant vous asseoir dessus. C'est vu et surtout qu'on n'en parle plus, hein. Faites comme ces messieurs, dames, dansez la lune de miel. À 82 printemps, l'amour leur a donné des ailes. Les enfants, si vous êtes sages, je vous fais la cour d'échelle. On va se poser sur un arc-en-ciel. Ah, tu aimes la vitesse? Bon d'accord, petit garçon, rien qu'avec notre musique, on va franchir le mur du son. Chanson inédite et il s'appelle Alain Barrière, elle.

coup de patte. Wow. Un petit coup de patte. Oh. Et un petit coup de patte. Wow. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Et on retrouve Richard Anthony, mais en duo avec Chacha Distel, et puis c'est un medley inédit. Besoin d'un ami, n'oublie pas, je suis toujours là. On a parfois dans la vie des moments où plus rien ne va. Quand on a perdu son chemin, quand vient la fin de l'amour, si l'on peut parler à quelqu'un, un chagrin. Non, merci Richard, mais de toute façon, j'ai un moral d'acier. Je le vois à chaque fois, Sacha. Je voudrais bien quand même te dire combien je suis content de t'accueillir enfin dans cette émission. Tu viens pour la première fois. C'est moi qui suis content, justement, c'est la première fois. Dis-moi, nous avons 4 points communs ensemble, tous les deux. On est d'abord des respectables pères de famille. 2 enfants, toi. Toi aussi. Et moi, je viens d'avoir mon premier petit deuxième. Deux garçons, en plus. Mon petit bouchou, pas plus en cœur. Toi qui me parles avec tes yeux, ne le répète à personne. C'est toi, Bouchou, que j'aime le. Chance, ces enfants, tu as réussi, toi, à leur chanter une chanson. À toi ? Moi, non. Mais. Ah ? Pour ma petite sœur, quand même. Ma petite sœur bien-aimée, viens un peu ici m'écouter. Je t'aime bien, mais tu me désoles. Car tu ne fais rien à l'école. À toi de choisir ce que tu veux devenir. Quelqu'un. C'est tout simplement un petit animal qui ne sait rien et qui se tient très mal. Mais si tu prends la première solution, tu dois apprendre tes leçons. Quand même, hein. Mais dis-moi, on sent bourgeoise un petit peu là. J'ai l'impression, mais on va pas aller se coucher tout de suite, dis donc, Sacha. En ce qui me concerne, il n'en est pas question. Hein. Tu es avec moi ? Je cherche ce qu'il faut, je reviens. Hein. Merci, monsieur. Oh, j'ai bu d'un trait de Finalo et 3 whisky. Et puis après, qu'est-ce qu'on avec Johnny ? Derrière le bar, je le voyais tout petit. Oh, oh, oh, oh, quelle nuit. Je me souviens d'avoir dansé le tcha-tcha-tcha avec une fille qui ressemblait à Pétula. Aïda, c'est fini. Tout en pleurant, je lui ai confié ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh, quelle nuit. Bah dis donc, tu ne vas plus qu'avec moi, tu sais, toi. T'es triste ? Oh, voilà. Oh, c'est pas possible. Chin, chin, à ma santé. Je ne m'en vois pas, je suis triste. Chin, chin, je veux t'oublier. Depuis que tu es parti, je me noie dans le whisky. Tu vois où ça te mène. Tu sais que c'est pas bon pour la voix du tout, ça, hein, de boire. Qui t'a dit? Ah, ben, je sais pas, tout le monde le dit. Ça doit finir par être vrai. Dis-moi, quelle est la critique qui t'embête le plus? Eh ben, tu vois, on dit très souvent que je suis doux. Doux. Ah oui, tu sais ce qu'on me dit, moi? On me dit que je suis gentil. Doux, gentil. Tu sais, on nous prend pour de la confiture. Oui, doux, gentil, pourquoi pas mignon, hein, ils sont, hein. Mais tu sais d'où ça vient, ça? Non. C'est parce qu'on chante très souvent des chansons sentimentales, ah, d'amour. Suave, tendre. Triste. Qui commence, toi? J'ai la côté. On dit que je pourrais trouver une autre fille que j'aimerais après toi. Mais il n'y aura jamais qu'un seul amour pour moi. On dit que je pourrais trouver dans d'autres bras la joie d'aimer. Que j'oublierai tes baisers, et tout notre passé ne serait plus qu'un souvenir. Et ben ça, si je m'y attendais, dis-moi, je peux essayer moi aussi? À ton tour. Ah, l'air de guitare, allons voir mon ciel. Fais-toi bien, je suis bien là. Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir en soi, en camarade avec moi. J'essaierai d'être gay pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre. C'est là que je gâcherai tout en te disant c'est mon stupide, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dis-moi, Richard, on pourrait continuer toute la nuit comme ça finalement, hein? J'ai l'impression, oui, tu sais qu'on a enregistré beaucoup de chansons tous les deux. Mais il y a une autre émission derrière. Eh oui. Notre drame, ça. C'est malheureux. Aïe, aïe, aïe. Si seulement on voulait nous laisser la clé, nous ne serions pas sûrs de quoi de nous quitter. On aurait continué à fredonner toutes les chansons que l'on avait enregistrées. Il y en a. Et on continue avec beaucoup de chansons différentes. Et puis au cours de l'émission, comme je dis, au cours de l'émission, eh bien on écoutera quelques chansons des groupes, du groupe Les Forains. Eh bien, je vous laisse donc avec deux titres. Le premier qu'on écoute avec Lève tout ça. Et puis juste après, Flip Flop. Voici les deux titres du groupe. Écoute la musique, c'est le beatbox, chug the rock. Voici ta jambe de bois, oui bien, ça de quoi. Mais c'est le beatbox, chug the rock. Tu te mal à l'aise, oublie un peu la chaise. C'est le beatbox, chug the rock. Écoute un peu. Lève ton cul de là, fais-toi long. Lève ton cul de là, lève ton cul de là. Mais qu'attends tu? Lève ton cul de là. Un petit effort, évasion. Go. Lève ton cul de là. Dis-moi, monsieur, faut-il te dire, faudrait peut-être. Tu vas entendre du beatbox, chug the rock. Non, c'est pas qu'à la tête, tout Rock. Je crois que la prochaine fois, plus vite tu comprendras, tu feras vite pas Just the Rock. Yeah. Avec Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, son titre Laisse ta main. Et puis si vous prenez l'écoute et bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel en compagnie de Nicolas jusqu'à 17h avec les chansons souvenirs. Et prépare jolie. Laisse ta main prendre ma main. Monsieur, pourriez-vous chanter avec nous? S'il vous plaît, par le vent de demain. Laisse ta main prendre ma main et préparons. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Formidable. Laisse ta main prendre ma main. Toi, petit garçon, peux-tu chanter avec nous? Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Bravo. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Vous savez, c'est une chanson de fraternité. C'est celle qui a ouvert les Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors, tout doucement. De prendre la main de votre voisin comme ceci. Nous allons faire une chaîne d'amitié et on va se balancer tout en chantant, bien sûr. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et je vous laisse avec Sheila, son titre La tendresse d'un homme. We'll be right back. Les chansons édites, et il s'appelle Claude François, avec son titre s'appelle donc Ne demande pas l'impossible. Que du pain noir. Si ça te chante, je veux bien aller à pied sur les chemins, dormir à la belle étoile comme un berger provençal. Oui, mais surtout oh. vieux monastère. J'ai dit adieu à mes amis, à tous les plaisirs de la nuit. Je n'appartiens plus qu'à toi, je ferai ce que tu voudras. Oui, mais surtout, s'appelle Judy Hallyday, son titre Sur la route de la nuit. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Les chansons souvenirs sont sur Arc-en-Ciel 96.2, 96.2 Arc-en-Ciel. Et voici, elle s'appelle Françoise Hardy, avec son titre « Les fourmis ». Voici Michel Thor avec son titre « Il ». Tu surgis de... voici Serge Lama avec L'Angleterre est une île. Écoutez Radio. Voici donc qui s'appelle Juliette Gréco, son titre Paris. Qui n'en peut plus. Paris, papa, tu t'en vas. Paris de maman, tu fous le camp. À force de bouffer du béton, tu vas finir comme un con. Du sparadrap sur les dents, comme on balance les truands à la flotte, les pieds dans un baquet de ciment. Paris de papa, où nous ouvre nos chagrins, nos petites misères. Paris de maman, où nous fume heureuse hier. Paris, papa, tu t'en vas. Paris, maman, tu fous le camp. Tu vas faire sauter jouer au con, de bouffer des kilowatts dans tes buildings et tes grattes. Ciel, tu vas mettre la ville lumière dans le blackout. Paris, pas, pas tout dans la Paris, maman, tu fous le camp à en vouloir pour tes ronds. Tu vas passer pour un con, tu as les yeux bien trop cernés. Si tu sais pas t'arrêter, ta tour Eiffel finira bien par débander. Avec les chansons et les chansons inédites, et je vous laisse avec Dalida, son titre Ton prénom dans mon cœur. Farandole, bourgeonne, redonne connaissez, c'est toujours. Et je vous laisse avec deux titres, deux chansons du groupe Les Formants. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est dans la rue que j'ai composé cet air-là. J'espère que bientôt vous chanterez avec moi. Mais je vous traquais ma tête balancée. J'allais trouver le truc qui rendait le jogger. J'allais penser à toutes les solutions. Mais il y en avait que pour cette chanson. C'est quand j'ai commencé à faire yeah, que j'ai compris ce qu'était les yeah. Et ceux de 40 ans m'ont dit tu as trouvé encore une chanson qui rappelle les années. Et dans tous les jukebox en écoutant cela, tous les gens chantaient avec moi. Et écoutez ça les gars, yeah, yeah. Répétez avec moi, yeah, yeah. Ce petit refrain là. Yeah. danser le rock and roll. Quand ils ont compris de parler des années, hey, bitch, j'en ai des paroles. Si tu aimes danser, si tu aimes swinguer, arrive alors. Si tu aimes chanter, bien nous, on est de bon. Oui, tu pars ici, on vit dans la chaîne et fini, c'est du hard rock. On est ici pour lancer le rock. Allez, tu dis, on écoute encore. Oui, sur la piste, balance ton corps. Hey! Ça n'était que pour lancer le twist. Si il jouait dans mon sursaut, ce n'était pas disco. On le batteur partait sur un épaule, regardez, alors, ça nous suivait. On met ici pour lancer le rock. Allez, Suzy, on écoute encore. Sur la piste, balance ton corps. Dans la main, il aurait été souvent sans penser au lendemain. Si on les réclamait pour jouer dans les soirées, tout le monde avait été twisté. On est ici pour lancer le rock. Allez, Suzy, oh oui, twist encore. Laissez la piste, balance ton corps. Voici Michel Sardou avec son titre « Sans te faire l'amour ». Si j'apprenais un jour, puisqu'enfin tout arrive, qu'il ne me reste plus que quelques heures à vivre, je n'aurai qu'une idée, celle de te reprendre, toi qui n'as jamais su ni voulu me comprendre. Je fumerai près de toi ma dernière cigarette, comme le condamné devant qui tout s'arrête. Et dans sa fumée bleue, je relirai l'histoire de deux ans perdus qui n'ont pas su y croire, mais qui en ce temps-là ne passaient pas un jour sans monter au soleil, sans se faire l'amour. J'apprenais un jour, puisqu'enfin tout arrive, qu'il ne me reste plus que quelques heures à vivre. je n'aurais qu'une idée, celle de te séduire, toi qui te fous de tout, qu'un mot tendre fait rire. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Voici donc Michel Sardou. Voici donc Renaud, son titre Rouge Gorge. Rouge-gorge est fier d'être né ici. Quartier populaire, bistrots et bouillards, les marchés couverts, rue des enfants rois. Rouge-gorge doit son surnom bizarre à sa jolie voix et à son foulard. Rouge son foulard, autour de son cou, rouge sa mémoire, à jamais debout. Rouge-gorge chante le temps des cerises dans les rues vivantes lorsqu'un jour arrive le temps des noyaux et des bulldozers et des fraises salauds en costume clair. Quelques sous-ministres attachés caisse et mines sinistres, l'âme versaillaise, décrète trop vieux pour ce quartier-là, il foutra le feu si le vieux s'en va pas. C'est la maison, détruit l'atelier, des cages en béton, les ont remplacées. Adieu réverbères, ampoules au plafond, bonjour la lumière, les tristes néons. Chassez les prolos et chassez la vie, parkings et bureaux ont bouffé Paris. Les petites gens sont des gens sérieux, iront gentiment peupler les banlieues. Les cerises, Savigny sur Orge paraîtra moins grise. Chante aussi Paname que les assassins ont livré aux flammes sans brûler leurs mains. Chante la mémoire que Douaneau préserve de Paris, le soir d'avant qu'elle crève. Chante la bataille de Paris, la soumise que Douaneau regarde et qui agonise. Linda de Souza et puis des chansons qu'on connaît très bien, Linda de Souza. Et là voici une des chansons que celle-ci est inédite, avec toujours cette chanson qui s'appelle « Comme tous les gens qui s'aiment ». Le titre c'est « L'étranger » qu'on connaît avec Linda de Souza, mais voici la chanson que je vous ai dit, « Comme tous les gens qui s'aiment ». Je t'aime. qu'on est loin l'un de l'autre. Comme tous les gens qui s'aiment, on se fait plus de peine. On ne s'entendra pas, on est comme deux montagnes. Dis-moi à qui la faute. Reviens me à l'école, toi toujours au bureau et moi au téléphone. Comme tous les gens qui s'aiment, on mérite la moyenne. Nous avons réussi à installer nos vies en banlieue parisienne. Mais je voudrais avec France Gall avec son titre La Prisonnière. Yeah. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Le titre s'appelle Fleur de brise et c'est avec Salvador Adamo. Voici donc bien la grille des programmes pour ce soir et demain. Donc pour ce soir, à partir de 17h jusqu'à 19h avec Manuel, l'émission Découverte. Et puis juste après, Albino, entre 19h et 22h, il aura des invités. Le matin du samedi entre 9h à midi, vous allez retrouver Christine pour l'émission Portugal nous corrézien. Et puis pour le dimanche, tout simplement le matin déjà, eh bien vous allez retrouver entre 8h jusqu'à 10h Antonio. Et puis juste après, c'est à vous de choisir les chansons que vous voulez entendre ou offrir. Avec le téléphone sonne entre 10h jusqu'à 12h30 avec Lionel et Jérôme. Et puis juste après, vous pouvez me retrouver entre 12h30 jusqu'à 16h avec l'accordéon Musette. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec deux morceaux de trompette et puis on se retrouve juste après. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Voilà donc, je vous laisse avec du mambo rock. C'est le titre, mais je vous laisse avec deux titres des Forbans. Hey mambo, mambo rock. Hey mambo, mambo rock. Yeah, hey mambo, mambo rock. We all are on the move, mambo rock. Voici Marielle Lapalawan avec son titre Petit homme sur le pont. Stéphanie veut venir te retrouver. Ici le soir. écoutez. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Jane Manson, tout gris. Un nouveau soir. Donc aller. Ce regard qu'ont les fleurs, la même peur dans le cœur. Où irons-nous, élan? Vers quel amant passant? La surprise d'être aimé, enfin se retrouver. Peu d'été dans nos baisers et ce désir à embrasser. Coupé d'ailleurs pour que les heures s'éloignent d'hier, soient plus légères. Où irons-nous penser? Dans quel parc, quelle allée? Ce regard qu'on effleure, la même peur dans le cœur. Où irons-nous, élan? Vers quel amant passant? La surprise d'être aimé, d'enfin se retrouver. De temps ou de printemps pour que renaisse ce qui nous laisse un peu d'espoir aux alentours, un nouveau soir au bout du jour, un nouveau soir. Il s'appelle Didier Barbelivien avec son titre Souvenir. Dans ma tête, pour que jamais je n'oublie, quand la pluie frappe aux fenêtres, les soirs de mélancolie, la vieille chanson du poète qui me parle d'un ami, avec ses mots les plus bêtes, les plus déchirants aussi. Souvenir, craquant comme une allumette, quand on adorait la vie. Cigarette sur cigarette, bouteille de vin, eau de vie, nos amoureuses en silhouette, jusqu'à la fin de la nuit, et les violons de la fête, on n'en savait pas le prix. Souvenir, vous n'êtes pas autre chose que des bouquets de roses qu'on achète à crédit. Souvenir qui me rappelle au hasard, pour que jamais je n'oublie, un manteau, un vieux foulard, sur un quai de gare transi, quelques accords de guitare qu'on avait si mal appris, et nos appétits de gloire, nos ambitions qui s'ennuient. Souvenir, retour à la case départ, nos traces sont évanouies dans la fumée des cigares, et nos amoureuses aussi. Les avions ne vont nulle part, le bonheur n'est pas d'ici. Où sont passés les hussards et leurs chevaux dans le bruit? Souvenir, vous n'êtes pas autre chose que des bouquets de roses qu'on achète à crédit. promène dans ces rues pour que jamais je n'oublie tous ces visages disparus. Les survivants ont vieilli, nos chemins se sont perdus dans le désert de Paris. Et le temps, bien entendu, a calendrié nos vies. Souvenir qui chante, quand reviendras-tu à celui qui est parti? Les musiciens se sont tus, je n'ai pas bougé depuis. Je ressemble à ces statues des musées de Pompéi, mais ma mémoire le sait-tu, ma mémoire est infinie. Souvenir, vous n'êtes pas autre chose que des bouquets de roses qu'on achète à crédit. Souvenir, oh souvenir, souvenir. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et voici Dave avec son titre Femme. Elle s'appelle Laura Fabian avec son titre Laisse-moi rêver. Le vide De violon, et puis on se retrouve juste après. Thank you.

pris la dose de fur et à mesure. On s'accoquine, on se fait la cuisine, amoureux comme des imbéciles heureux. Jean-Luc Lahaye avec son titre « Plus jamais ».

Et puis voici, je vous laisse avec deux morceaux des Forbans. Et puis après, on se retrouve juste après. Les amours. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici, il s'appelle Michel Arnaud et son titre s'appelle 1965. Touche à sa fin, il est bientôt 17h et puis dans quelques minutes, eh bien, vous allez retrouver Manu pour son émission juste après. Et nous, on va se retrouver donc, eh bien, vendredi prochain et ainsi dimanche. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes.